« Eh bien, monsieur, » dit Hulot dont la figure se décomposa, « cette femme, c'est le libertinage en coupe réglée. Je suis certain maintenant qu'elle a 3 amants. »« Ça se voit, » dit le commissaire de police. « Ah, elles ne sont pas toutes sur le trottoir. Quand on fait ce métier-là, monsieur le baron, en équipage, dans les salons ou dans son ménage, il ne s'agit plus de francs ni de centimes. Mademoiselle Esther dont vous parlez, et qui s'est empoisonnée, a dévoré des millions. Si vous m'en croyez, vous détellerez, monsieur le baron. Cette dernière partie vous coûtera cher. Ce gredin de mari a pour lui la loi. Enfin, sans loi, la petite femme vous repincez. » Merci, monsieur, dit le conseiller d'État qui tâcha de garder une contenance digne. Monsieur, nous allons fermer l'appartement. La farce est jouée et vous remettrez la clé à monsieur le maire.